Salut les Droogs, c'est De Warlin. Pour cette heure, j'ai choisi de vous diffuser que des reprises. Aujourd'hui, j'ai avec moi une sélection internationale. On aura le droit à des groupes américains, canadiens, australiens, italiens, suisses, hollandais, anglais et bien sûr français. On va commencer par une reprise de Blitz par les Texans de Liberty and Justice. Sorti en 2023 sur leur mini-album Top of the Scrap Head, le morceau c'est Fatigue. Puis on enchaînera avec les Montréalais de Molotov qui reprennent un classique de Molodeuil, Génération Destruction, dispo sur leur démo de 2022. Droogies Radio, la voix de la Hoy. Je te bats. Après Liberty and Justice qui reprenait Blitz, c'était les Montréalais de Molotov avec leur reprise de Génération Destruction, l'un des tubes des Parisiens de Molodoy. Allez, j'ai aussi avec moi un split 7 pouces italien sur lequel on retrouve une reprise sur chaque face. Pour la face A, celle qu'occupent les Florentins de Iéna qui reprennent le groupe rock mainstream de chez eux, Litfiba. Ils ont choisi le morceau Luna. Et pour la face B, celle sur laquelle on retrouve le groupe Scalpo de Sondrio à la frontière suisse, ils ont repris Comunicato du groupe Oi de Turin, Rough. C'est dispo auprès de Damiano de Time Bomb Records ou encore via le label de Rome El Nation. Iéna qui reprend Luna de Litfiba puis Scalpo qui reprend Comunicato de Rough, c'est Adesso sur Droogies Radio. Oi. Hey! C'était Scalpo sur les ondes de Droogies Radio avec leur reprise de Roth, Communicato. On va se faire une petite triplette lilloise maintenant. Jody Faster, le groupe lillois qui joue le plus vite, qui reprend Youth Avoiders, le groupe parisien qui joue le plus vite. Le morceau, c'est la tuerie Grit Your Teeth. Puis on écoutera Utopie qui reprennent en français Ghost Town des Specials. Puis ce sera Idiot Talk qui reprennent les Belges de The Kids, Fascist Cop. Une version bien bien speed. Un peu de NP2C sur Droogies Radio. Oi! Après cette triplette lilloise, place à la triplette batave en provenance de chez Rebellion Records. On va commencer avec Live by the Sword, le groupe du patron de chez Rebellion, Wouter, qui était le chanteur de Razorblade. Live by the Sword qui reprennent en 2018 Intimidation, le morceau du groupe de la Beantown, The Bruisers. Puis on enchaînera avec une autre prise des Bruisers de 2024, ce coup-ci, These Two Boots Are Mine, par le groupe de Rotterdam Daydrinker, dans lequel on retrouve entre autres Ronnie, The Crown Court, Armistice, The Reapers, etc., etc., etc. Puis je reviendrai avec le troisième morceau pour cette session hollandaise, après Savage Beat, qui reprennent le très bon morceau Don't Hide Your Hate, du groupe Amstelo Damois des années 70, The Filth. Allez les cascopes, on y va. Oi. Yeah. Flex the triggers of your life. Remember we're alive with your back against the floor. Someone you'll surrender but you wanna fight more. Remember that feeling gonna keep you alive. Get you a verbal take as long as you're alive. Allez, on traverse le plat pays pour arriver à Paris. Skelet, qui reprend l'ancien groupe de son guitariste, Tom Westport Firm. Puis ce sera Bromure, qui reprend le groupe de post-punk, Sad Lovers and Giants, et leur méga tube 50-50. Droogies Radio, droogies.org. D'écouter Bromure avec leur reprise de Sad Lovers and Giants. Oh, oh, oh, quelle tuerie! C'était 50-50. Et juste avant, c'était Squelette avec leur reprise de Westport Firm. Putain de cadence! On part maintenant en Colombie-Britannique à Victoria avec le groupe No Hearts qui reprennent A-Bomb in Warbur Street des Jam. Puis on filera en Australie avec les très bons Brut qui ont décidé, eux, de reprendre Special Duties Rise and Fight. La voix de la Hoy ne s'éteint pas sur Wheeze Radio. Yeah. Plus proche de nous maintenant avec Devil Skins, les Suisses qui reprennent un morceau très souvent repris, Personne, des Marseillais de Warrior Kids. Puis on va rester dans l'esprit des années 80 avec Rancœur, qui reprennent Camera Silence, Suicide. Oi! Yeah. Alors, on vient d'écouter Devil Skins avec Personne de Warrior Kids et Rancœur avec Suicide de Camera Silence. On file en Pologne maintenant, à Sosnowiec, avec le groupe Bistro Boys qui reprend le groupe parisien Rix en polonais dans le texte. Infatigable devient Pococito. Puis on traversera l'océan pour arriver à Guadalajara, au Mexique, avec le groupe Hymnos qui s'est entouré d'Abraham, le chanteur de Sparrow 68 et Mess, pour reprendre le tube Condemned des Écossais de On Parole. Bistro Boy suivi de Hymnos sur Droogies Radio. Pococito Oi! Condemned. Bien d'écouter les Mexicains de Hymnos qui reprenaient Condemned du groupe de Livingston en Écosse, On Parole. Puis juste avant, c'était les Polonais de Bistro Boys qui reprenaient Infatigable de Rix. Un dernier bloc pour aujourd'hui avec deux groupes anglophones. The Chisel qui ont relevé le défi de reprendre The Business avec leur reprise de Harry May, qui est la preuve que The Chisel a tout d'un grand groupe. Puis on finira cette émission spéciale reprise avec Violent Way, le groupe de Buffalo dans l'état de New York, qui reprend les New Yorkais de Templars, Skinhead Rules OK. Drouiz Radio, la voix de la Hoy. Et voilà, c'est fini. On vient d'écouter les deux derniers morceaux de cette playlist 100% reprise. J'en ai encore la masse, donc n'hésitez pas à rester fidèle au programme de Droogies Radio. Je vous dis à très vite. C'était De Warlin. Ciao, ciao.